Merci de rester fidèle à l'écoute de nos programmes et c'est avec une joie renouvelée que nous nous retrouvons à cet autre numéro de témoignage. Laurent Bolo au microphone pour la présentation technique et réalisation fidèle ATC. Aujourd'hui à témoignage, nous recevons le missionnaire Brou Gbagba Clément. Il est marié et père de 12 enfants. C'est donc en sa compagnie que nous passerons ce temps réservé au témoignage. Missionnaire Brou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Dites-nous, quels faits majeurs vous ont marqué dans votre vie jusqu'à ce jour? Oh, je bénis Dieu pour ce jour que l'Éternel des armées me donne l'occasion de parler et de rendre ce témoignage à la population, au monde entier. Parce que depuis longtemps, depuis ma naissance, Dieu m'avait réservé une œuvre, mais Satan avait utilisé à ses propres fins. C'est pourquoi ce témoignage, le titre que j'ai donné, « Vouloir être dans le bonheur sans Jésus-Christ de Nazareth ». Ma naissance fut très difficile car ma mère a souffert pendant 3 jours, 3 nuits pour m'avoir, pour pouvoir me mettre au monde. Il a failli perdre sa vie et mon père a fait appel à un féticheur renommé dans le village. Son nom s'appelle Sombo Akepi. Alors, il a invoqué les esprits afin que je ne puisse venir au monde. Vous voyez, ceci a failli détruire et causer la mort à ma maman. Mais pour que je sorte des entrailles de ma mère, il a failli que des esprits méchants réclame des sacrifices dans le campement. Et voici que ces esprits sont changés à être des mayas. Ils sont venus détruire tous les poussins, tous les poulets de mon père. Et jusqu'à 5h30 du matin d'un samedi, que je suis sorti des entrailles de ma mère. Voici le moment, voici comment je suis venu au monde. Et après ces incantations, les féticheurs, ils se sont transformés et ils ont disparu. Ils ont disparu après avoir fini de tuer les poussins, ils ont disparu. Donc, voilà comment je suis venu au monde et voici que ça continue à agir sur ma vie. Ma vie et j'ai continué à aller avec les féticheurs, quand j'étais grand, et je parcourais les féticheurs, de féticheurs en féticheurs, de marabout en marabout. Et même dans la vie, au moment où j'étais à l'école, vraiment, j'ai souffert. J'ai souffert. Parce que mon père était, de son vivant, était aussi un adorateur des rivières, des consulteurs, des féticheurs, des devins, des esprits de mort, des pratiques des ancêtres. À la mort d'un parent, la nourriture était aussi donnée à des esprits de mort, d'une manière de les adorer et les invoquer sur notre vie. Cela était une coutume de mon père. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il avait même une petite rivière qu'il adorait. Cette eau avait un jour sacré appelé cuit dans notre jaguar. Alors, ça veut dire que ce grand jour-là, personne ne va au champ. Un homme qui va au champ, ce jour-là, va sur son chemin rencontrer les esprits méchants. Donc, nous étions initiés tous dans cette pratique-là. Mon père a fait 11 enfants. Et les 11 enfants sont tous morts. Nous sommes restés 3 enfants. qui sont vivants, mais les deux autres n'ont pas Jésus. Ce qui me fait mal, je prie beaucoup pour eux. Et je suis le seul qui est venu en Jésus-Christ par la grâce de Dieu. Alors, mon papa, il adorait des rivières, des marabouts qui venaient faire des chants, qui venaient lui donner des talismans pour faire pointer dans son champ, pour que ce champ-là réussisse. Et il est renommé dans le village comme le premier planteur. Renommé dans le village comme le premier planteur. Il faisait 20 tonnes de cacao. Mais cet argent ne restait pas. On avait des problèmes par-ci, par-là. Jusqu'à ce que, un jour, mon père a reçu Jésus dans sa vieillesse. Il était à l'église, c'était l'église de méthodiste, qui priait avant sa mort. Mais ce péché est toujours dans le foyer et ça m'a conduit aussi à aller jusqu'à ce que j'ai adoré des esprits de mort, des esprits de rivière, des esprits de fétichisme. Et j'ai suivi pas mal de féticheurs et de marabouts et des rivières pour plein de choses dans ma vie. J'étais possédé de ces esprits-là. Alors, je voudrais vous dire, mes frères, mes soeurs, c'est très important d'être en Jésus. Pour celui qui n'a pas Jésus est possédé des esprits méchants. Pour quel intérêt vous couriez après tous ces fétiches, ces talismans? Pour avoir quoi? Pour gagner quoi? Merci beaucoup. Pour être... Voilà que dans cette pratique, c'était difficile pour moi. J'adorais. Pour avoir de l'argent, je faisais ça pour que ma vie change, que j'ai des milliards, des millions sur cette terre et perdre mon âme. Après. Et cette pratique-là, je l'ai faite dans l'ignorance. Alors, j'étais venu à Abidjan ici avec. J'étais venu seul et mon père m'a donné une femme. Et tous mes amis, nous avons sorti de l'école après le CAP, bâtiment, ont eu du travail. Et moi, non. Mais je suis passé par les marabouts des féticheurs pour avoir du travail, mais non, rien. Et voilà que ça m'a poussé à aller jusqu'à chercher maintenant. Le bonheur, avoir de l'argent, vouloir avoir de l'argent sans Jésus-Christ, dans l'ignorance. Alors, mon père m'a donné une charge. C'est-à-dire, il m'a envoyé une femme sans travail. Et dans cet état, je vivais chez un ami, un frère. Mais je n'avais pas d'emploi. Je faisais des petits contrats. Je ne pouvais même pas nourrir et de ce quoi, j'ai fait un enfant, une fille, ma première fille en 1968. Et voilà que les difficultés ont commencé à s'empirer. Et encore, en 70, j'ai fait mon garçon, j'ai fait deux enfants. Et aujourd'hui, celui qui est devant là, qui est en face de moi, c'est mon garçon, le premier garçon. Parmi les douze enfants, c'est lui qui est le premier garçon, la fille en France. Et voici, j'ai commencé maintenant à suivre, à chercher à avoir des moyens pour les nourrir, pour nourrir ma femme. Et cela m'a poussé à aller maintenant dans la pratique qui n'est pas bon. Et j'ai rencontré un marabout guinéen à la gare, l'ancienne gare d'Adjamé, ou l'ancien cimetière où la Sotra avait construit sa gare. Et c'est là que j'ai rencontré ce marabout. Et il m'a proposé, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir de l'argent, pour être riche dans ce pays? Il dit, mais il m'a montré beaucoup de choses. Alors, le plus, ce que j'ai aimé, c'est ce qu'il m'a montré, le poulet noir. C'est-à-dire, le poulet noir est tué, et toutefois que le poulet noir est tué, ton âme va en enfer, et toi, tu reçois de l'argent, tu gagnes beaucoup d'argent, tu fais des affaires, Et après, quand tu meurs, ton âme va en enfer. Tu perds le ciel. Et quand il a dit ça, j'étais content. J'ai dit, oh, c'est ça, je veux. Parce qu'un homme tué, un homme qui est mort, il ne connaît pas là, le feu, un animal qui est tué, qui est séché, il ne connaît pas le feu, il ne connaît pas le mal. Donc moi, je veux ça. Donc, voilà que j'ai continué à... Je lui ai dit, il m'a demandé de lui donner une somme de 3000 francs. Donc, les 3000 francs, je lui ai donné. Et il a allé en brousse, il a fait le travail. Il m'a envoyé le talisman. Quelque chose qu'il doit me produire, je n'ai pas vu comment il a fait. Lui, il a fait ça. Alors, il est venu. Alors, je suis allé vers lui pour prendre ça. En ce moment, j'habitais à Cocody, enfin, derrière la gendarmerie, l'école de la gendarmerie, ça s'appelait Agbekwa. J'étais là-bas avec mon épouse, avec mes deux enfants. Et voilà que cet homme me donne le talisman. Je mets en poche. Et j'ai pris un bagage, j'arrive dans le quartier et je voulais prendre la route, le petit chemin pour arriver à la maison. En plein midi, je vous dis bien, en plein midi, le tonnerre a grondé. Il y a eu des éclairs dans le ciel. Et la pluie est tombée sur moi. J'ai couru. Je suis entré à la maison tout mouillé. Alors, 3 jours après, dans mon sommeil, j'ai revu le scénario qui s'est passé dans la journée. Le tonnerre a grondé, il y a eu les éclairs dans le ciel et la pluie est venue. Mais accompagnée de la foudre cette fois-ci et qui a détruit un arbre, un gros arbre, qui a fait que la fumée sortait. Et j'étais assis, j'étais accroupi à côté. Et dans le ciel, j'ai attendu mon nom, Broubagba, Broubagba, Broubagba, 3 fois. Et la voix me dit, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord pour que tu vends ton âme pour avoir de l'argent. Je ne suis pas d'accord pour que tu tues ton âme pour avoir de l'argent. Je ne suis pas d'accord pour que tu livres ton âme pour avoir la richesse de ce monde, le bonheur. Mais je vous assure que je n'ai rien compris, je me suis réveillé. Je n'ai rien compris. J'étais fâché contre moi et je suis allé donner je suis allé à Gamay, j'ai donné le truc à Marabout. Il a vu, il a dit non, que ton âme n'est pas d'accord. Que Dieu n'est pas d'accord pour que tu vends ton âme pour avoir de l'argent. Voilà le premier étape. Donc il m'a dit, bon, on va faire des sacrifices. Alors voilà que j'étais fâché. Et voilà qu'un autre jour, je raconte encore un autre monsieur qui voyage sur Mali. Il me dit, mais j'ai des choses à Mali, au Mali, qui peut t'enrichir. Et voilà que je l'ai suivi. Ils sont partis au Mali. J'étais en 1970. Arrivé au Mali, voilà qu'on me présente quelqu'un qui me donne encore des choses. Je reviens, mais zéro. Ça ne marche pas. Pour travailler, cette fois-ci, c'est peut-être pour travailler, mais je ne trouve pas du travail. Et voilà qu'un autre, encore dans le même bac où j'étais pour partir au Mali, il y avait 2 jeunes qui partaient en France. Et ces 2 jeunes-là, ils m'ont dit, ah mais qui ils sont? Il y a un marabout qui se trouve à Sikasso, Missikro. Ce marabout est très, très puissant. Si tu vas sur lui, tu vas tout avoir. Je suis venu à Abidjan et j'ai pris encore de l'argent et je suis remonté sur Mali et arrivé à Sikasso. J'ai demandé les renseignements. On m'a montré un taxi qui va là-bas et j'ai pris le taxi. 3000 francs. Et quand nous étions en chemin, le marabout me dit, mais qu'est-ce que tu t'en vas faire? Le village s'appelle Missikro. Beaucoup de personnes, beaucoup de marabouts connaissent ça. Alors, ils ont dit, qu'est-ce que tu t'en vas faire? J'ai dit, mais je m'en vais voir mon avenir le lendemain. Qu'est-ce que je vais devenir? Il dit, mais tu as raison. Si tu étais pour aller tuer quelqu'un, tu pourrais faire du mal à quelqu'un, la voiture se renversait, tu mourrais, lui partait. Alors, quand il m'a dit ça, j'étais encore rassuré. Il dit, ah, cet homme-là, il est fort alors. Et puis, bon, on a continué. Quand on est arrivé là-bas, au bout du village, il a envoyé 2 de ses fidèles pour m'accueillir. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais depuis que tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu venais. Voici Et le marabout, notre patron, nous a envoyé pour t'accueillir, tu es arrivé. Allons. Voilà, mes amis. Satan a aussi fait des grandes choses, des miracles. Mais cela, c'est éphémère. Ce n'est pas comme Jésus-Christ, Nazareth. Et j'ai continué, je suis parti. Arrivé devant le marabout, m'a fait rentrer dans sa maison, dans son salon. Il est assis au loin là-bas avec sur un tapis bien orné, bien pris de couleur. Autour de lui, il y avait ses fidèles, des vieux, des jeunes. Mais ce que je n'ai pas vu, ce sont les femmes que je n'ai pas vues. Oui. Et voilà. Ils m'ont dit, bon, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux et j'ai ouvert ma paume vers lui. Il a regardé. Il dit, bon, mais ce que tu es venu faire, je vais envoyer ça. Je vais demander à Dieu, s'il permet, tu vas faire cela. Pour moi, c'était mon idée, c'était arrêter d'aller m'enrichir, de me donner un talisman pour que je sois vraiment riche. C'était ce que j'avais pensé. Il a dit, bon, tu vas t'asseoir, tu vas te coucher, de me donner une chambre moi seul. Pendant 7 jours, il dit, pendant une semaine, il va t'appeler. 7 jours arrivent, la semaine arrive nette, ils sont allés me chercher. Et je suis venu devant lui, je me suis mis à genoux encore. Il a regardé, il m'a dit, non, mon enfant, ce que tu es venu faire, Dieu n'a pas voulu, il ne peut pas réussir pour toi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je savais que le Seigneur m'a mis à part pour son évangile. Et j'étais fâché. Il dit, moi je m'en vais. Il dit, mais vous ne pouvez rien faire pour moi? Il dit, non, on ne peut rien faire. Que de voir ces jeunes marabouts-là. Je suis allé voir vers eux. Ils m'ont envoyé, je vous assure, à des choses que j'ai vues qui m'ont étonné, que je vois la gloire de Dieu aujourd'hui. Je suis allé à Messie-Croix. Ils m'ont envoyé vers une grotte à 2 étages. Et j'ai vu la paume d'un homme humain de 5 doigts sur la grotte. Et après, ils m'ont fait rentrer sur le sous-sol. Et nous avons marché sur un petit pont là, comme un bois. Mais après des renseignements, ils m'ont dit que c'est sur le serpent bois que nous avons marché, sur le piton. Ils nous sont revenus. C'était un jeudi. Je devais venir. Donc j'ai dit, mais vous ne pouvez rien faire pour moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Il dit, mais il y a un talisman que les gens ont dit que le poulet noir, vous ne pouvez pas faire ça ici pour moi. Il dit, mais donne l'argent. On va essayer de faire pour toi. Et j'ai donné 500 francs. Tu savais, la vie, c'était en 70, c'était les choses n'étaient pas. Et puis bon, voilà que. Ils ont allé acheter le poulet noir. Et ils ont pris mon nom. Ils ont pris mon nom, ils ont écrit ça sur une feuille. Et ils ont attaché ça sur le cou du poulet. Et ils ont mis le poulet, ils ont envoyé le poulet pour mettre dans la bouche là-bas. Et ils ont fait un feu de brindilles. Et ils étaient autour et ils chantaient. Là, il a, il a, là, là, il a, il a, là, là, il a, il a, là. Et puis ils étaient en train d'invoquer les esprits pour que le poulet quitte la bouche pour venir rentrer dans le feu. Si le poulet rentrait dans le feu, alors pour moi, c'est fini. Mon âme va dans le feu et je serai très riche. Après la mort, c'est fini. Je perds le ciel. Et le poulet, je vous assure que le poulet a quitté dans la bouche. Il est venu jusqu'à arrêter au bord du feu. Et j'étais content, j'ai dit, ça, c'est fini ça là. J'ai dit, ah, c'est fini. Oh, c'est dans l'ignorance. Et voilà que ce poulet est arrêté. Ils étaient là dessus, prier. Le poulet est allé en arrière. Il est venu, il a freiné devant le feu. Il est allé en arrière deuxième fois. Il est venu, il a freiné troisième, il est allé en arrière. Il est venu, il a contenu le feu en direction dans la bouche. Il n'est pas rentré dans le feu. Et tous les jeunes marabouts m'ont soulevé, m'ont dit, voilà un enfant de Dieu. Ils ont commencé à chanter. Alors j'étais plus fâché que moi-même. Ça c'est la première partie. je voudrais continuer encore ce témoignage. À ma naissance, je voulais ajouter que j'étais venu au monde avec une membrane qui a couvert ma tête jusqu'au cou. Et avant de pousser le premier cri, le féticheur a enlevé cette membrane d'abord, avant que je ne pousse le premier cri. Et voici ce qui est vraiment étonnant, je ne savais pas pourquoi. Mais c'est après la prière, après ma conversion, que le Seigneur m'a montré que c'était sa couronne. C'est la couronne de victoire. Alors voilà que j'ai continué encore dans ce péché, dans ce moment d'égarement, de perdition. J'ai continué à chercher toujours après le voyage de Sikasso. Et je suis arrivé encore à des pratiques qui n'étaient pas bien. Je suis allé même adorer des rivières. Dites-nous, est-ce qu'il vous est arrivé quand même trouver satisfaction dans ces pratiques-là? C'est-à-dire, bon, un temps soit peu, à devenir riche, oui, comme vous le vouliez. Oui, j'arrive très bien. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Merci, Jésus. Et voici que, avant même d'aller adorer les esprits des rivières, il y avait un marabout qui m'a encore donné un talisman. Il a fait un colis pour moi. Il m'a dit de prendre, d'acheter un coq rouge. J'ai acheté le coq rouge. Et il a mis le coq rouge, il a fait un trou, et le coq rouge, il a enterré le coq rouge. Avec une portion de narchigui, il a mis dans une cuvette et puis enterré. Et puis bon, il a dit que le coq rouge doit boire cette. Il va chanter sept fois. Il va crier, il va chanter sept fois. Et quand il a fini, ça, on le tue. Et si je trouve dans son gégier de l'argent, et là, c'est fini que ça réussit. Et effectivement, ça a été fait. Et on a tué le poulet, le coq. Il m'a dit de manger, toi, moi seul, le coq. Je l'ai mangé sans croquer les os. Et il a enterré des plumes, les os, tous ensemble. Et maintenant, il a pris la tête, les pattes, et l'argent, j'ai trouvé dans son gésier, là, trois pièces de 1 franc, 1 franc, et puis un billet de 100 francs dans l'ancien temps. Et voilà que il a pris cela, il a fait une ceinture que je mets au rein. Mais à condition, il m'a donné une condition, vous savez, Satan, lui, il a toujours des conditions. Il m'a dit de ne pas toucher femme pendant un mois. Alors, je vous assure que j'ai fait cela et j'ai fait partie de ma femme au village. Je suis resté seul à la maison. Et voilà que les femmes défilaient dans ma chambre, venaient, même dans mes voyages, venaient me tenter. Mais jusqu'à ce que je suis arrivé, je suis parti un jour au funérail à Gou, dans mon village maternel. Et voilà une jeune fille que tous les grands types cherchaient. Il m'a vu dans la rue, il dit, mais je veux te voir. Il dit, alors allons à la maison, elle vient à la maison. Elle voulait aller avec moi. Et je me suis déshabillé. Mais j'avais la ceinture. Et j'ai enlevé la ceinture, j'ai accroché. Et voilà que quelque chose m'a dit, mais dis donc, tu as trop souffert. Faut pas faire. Et je me suis levé et j'ai mis la ceinture, je suis pas allé avec la femme. Alors quand je suis arrivé, ah non, ça a commencé, j'ai créé une entreprise qu'on appelle entreprise combat à Bobo en 1972. Et cela marchait. Les gens venaient. Mon nom était répandu un peu partout, des travaux de construction, de la gérance un peu partout. Jusqu'à ce que mon bureau était devenu un bureau d'hôtel. C'est-à-dire qu'une chambre de passage, les femmes venaient, je me couchais avec eux, ces femmes-là, j'étais complètement troublé. Mais un jour, il y a une jeune fille qui est venue, elle m'a aidé à arranger mes affaires. J'étais dit, j'avais l'argent, je sortais, il y avait mon petit frère qui partait faire des encaissements par jour, s'il n'avait rien eu, j'ai au moins 200 000, 300 000, 400 000, j'avais acheté une bâchée. Et voilà, Satan, ces choses ne dit pas. Ça ne dit pas. Et voilà qu'un jour, la jeune fille est venue à travailler avec moi. Et puis bon, je lui ai proposé, bon, est-ce qu'on peut aller ensemble? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Il y avait l'argent. J'ai donné de l'argent et puis on s'est couché dans le bureau. Et voilà que je ne me suis pas lavé. Oh, il y avait la douche, tout ça. Ça devait prendre fin ce jour-là. Et je ne me suis pas lavé et j'ai mis l'amulette et sur la ceinture. Et voilà que je suis allé à la maison. C'est après que je me suis souvenu que je ne me suis pas lavé. Et puis voilà, le lendemain, je me suis lavé et je porte coupé en deux. La corde est coupée en deux. Je dis, mais tiens, ça, c'est pas possible. Alors, je suis arrivé au bureau, j'étais troublé. Une semaine, deux semaines après, les affaires ont commencé, des convocations passées. L'argent, ça passait, ça disparaissait comme ça. Alors, jusqu'à ce qu'il y ait eu des problèmes terribles. J'ai cherché le vieux, on me dit que le vieux est rentré. C'est un homme de l'autre côté. Alors, le vieux est rentré. J'ai cherché d'autres moyens, pas moyen. Et c'est là maintenant, je me suis retenu à l'adoration de la rivière. Et j'ai été dans le village pour voir les parents. Ils m'ont initié encore dans cette rivière qu'on appelle Massanyapi. Une rivière très puissante qui est au village, qui fait des ravages. Alors je me suis confié à cette rivière. Demi-heure réservée à l'écoute du témoignage du missionnaire Brou Gbagba Clément n'a pas suffi pour écouter l'intégralité de son témoignage, mais nous pouvons retenir que dans son désir d'être riche, il a couru partout chercher cette potion magique auprès des marabouts pour devenir riche. Pour un temps, il est devenu riche, mais le déclin a suivi très rapidement, car ce que le diable donne ne dure pas toujours, selon ses propres thèmes. Nous vous donnerons l'occasion d'écouter la suite de ce témoignage une autre fois. C'était témoignage, Laurent Bolo, microphone pour la présentation, technique et réalisation, Atse Fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de rester fidèle à l'écoute de nos programmes. C'est avec une joie renouvelée que nous nous retrouvons pour cet autre numéro de témoignage. Je suis Laurent Bolo et je bénéficie de la collaboration technique de Fidèle ATC. Aujourd'hui, à témoignage, nous poursuivons notre interview avec le missionnaire Brou Gbagba Clément. Il est marié et père de 12 enfants. Dans la première partie de ce témoignage, donc dans le témoignage précédent, le missionnaire a fait état de son désir dans le temps passé de devenir très riche et se veut l'a amené à voyager dans la sous-région, notamment au Mali, consulter des marabouts, de grands marabouts, afin que ces derniers lui donnent des talismans, des fétiches pour qu'il devienne riche. Pour un temps, il est devenu riche, mais la richesse que donne Satan ne dure pas très souvent. Ayant enfreint aux règles de ses fétiches, il a vu ses affaires être en ruine, s'ébranler, se décomposer, et ainsi il est retourné à l'adoration des fétiches. Amen. C'est bien cela que nous étions. Oui, nous étions à l'adoration des rivières. Voilà, donc rivières. Nous avons l'occasion de continuer le témoignage avec vous. Je bénis le Seigneur qui m'a donné l'occasion cette fois-ci, aujourd'hui, pour pouvoir parler de la part. De son grand nom que dénigré, vraiment Satan m'a utilisé. Et je voudrais que le peuple du pays de la Côte d'Ivoire sache que tous ceux qui sont dans ces pratiques sont que vraiment, et qui se repentent, qui viennent en Jésus-Christ. Alors, je continue. Après l'échec, le premier échec, je suis allé au Fivouda, comme je l'ai dit, adorer les rivières, regarder les ancêtres, les esprits de mort. Mes parents m'ont initié et il y avait un gros caillou et qu'on adorait. C'était moi qui adorais cela. J'envoyais des moutons, des poulets pour adorer cela. Et j'étais devenu célèbre. Alors, ce qui va vous étonner, c'est qu'en 1984, la coupe, la Côte d'Ivoire, la coupe qu'on avait jouée avec la Coupe d'Afrique, des Nations, j'ai fait partie de ceux qui ont préparé cela. Préparé cela comment? Mystiquement comment? Oui, c'est-à-dire qu'avec les gens, on voyait tellement de fétiches, des marabouts, on fait des choses, et que cela n'a pas été. Même je suis allé, Kofi, si vous connaissez Kofi Kwadjo, le gardien de but international de la SEC, à son temps, c'est moi qui l'ai préparé. J'ai dit ça. Et en 1972, il savait pas, c'est moi qui l'ai envoyé au village et puis entraîné et lui préparer, même dans cette rivière là, je lui ai donné un petit caillou qu'il a mis dans sa poche. Il est devenu célèbre. Il n'a pas retourné pour remercier le Seigneur et le Satan. Et voilà que Satan, pour lui, son compte là, qu'une fois tu ne reconnais pas, il t'est fini, il t'enlève ça. Alors voilà que quand la coupe est arrivée, j'ai tout fait pour rencontrer Kofi Kwadjo pour qu'il retourne dans la rivière pour dire nous allons gagner cette coupe-là. J'ai dépensé plus de 200 000 francs. Je suis allé voir Poukou Laurent, je ne l'ai pas trouvé. Je suis allé jusqu'au golfe. Voisin Zou m'a fait sortir Kofi Kwadjo. C'était le gardien. Oui, le gardien de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors voilà que Jésus, il a dit à ceux qui sont venus, il a dit, donnez-moi Kofi Kwadjo pour au moins une heure de temps, donnez voiture, on va aller dans cette rivière et nous allons gagner. Parce qu'il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Il faut qu'il retourne pour aller demander pardon aux vieux, à la rivière, donner au moins des poulets, des moutons. Et puis bon, on revient, on gagne la coupe. Ils n'ont pas voulu. J'ai dépensé 200 000 francs pour rien. Bon, donc je suis allé m'asseoir. Ce jour, j'étais sur le terrain. Il y avait un ami qui est venu me voir le matin, très tôt avant d'aller au terrain. Il me dit que je t'ai vu en songe, on t'a giflé deux belles coups. Oh, c'était deux buts. Et puis bon, on nous a gagné. C'était contre Cameroun. Contre Cameroun, voilà justement. Cameroun, et puis on nous a gagné. Mais ça m'a fait mal. Parce qu'on devait gagner, on devait avoir cette coupe-là. La chose est venue chez nous ici et puis c'est parti. Ça m'a fait mal. Alors voilà que j'ai commencé maintenant à adorer cette rivière, à pratiquer, à même apprendre pour venir chez moi à Abidjan, à Bobo. Et beaucoup de personnes venaient consulter, me consulter. Et alors cette pratique m'a mené très loin. Mais je faisais ça sans, tu vois, même j'étais dans la pauvreté. Je venais donner, mais l'argent ne restait pas. Vous voyez des saturations comme ça, c'est la misère. Vous voyez, alors donc, jusqu'à ce que, un jour, voilà, un frère, un entrepreneur, un tâcheron, il est resté avec sa femme pendant 5 ans, sans enfant. Et ce frère, moi aussi, j'étais aussi un tâcheron, j'ai des chantiers. On s'est rencontrés, on est dans le même quartier. Il m'a dit, mon frère, ma femme veut me divorcer, c'est cela. Alors vraiment, je ne sais pas comment je vais faire enfant avec elle. J'ai dit, mais j'ai une petite chose, quelque chose, un secret, viens voir. Il arrive avec sa femme et j'essaie d'invoquer les esprits. J'ai dit, bon, envoyez un poulet. J'ai envoyé le poulet avec une unité de jean, avec au moins deux œufs, puis envoyé. Puis, bon, on a tué le poulet. Ils ont mangé, j'ai mangé aussi, ma famille a mangé. Et après, on a resté, il est resté le reste là, j'ai mis ça à côté, j'ai mis ça devant les cheveux. Il y avait aussi deux petites statuettes que j'ai nommé une Agua, une autre Akua. Donc ils sont là, je les adorais. Et c'est devenu vraiment un truc de fétichisme. J'ai commencé à être renommé. Les gens venaient pour les consulter, même ceux qui ne trouvent pas du travail. Et moi, je travaille, et puis je fais ça, et puis je souffre. Et les gens venaient trouver du travail avec ça. Donc, voilà que La femme est venue à son mari et bon, ils ont mangé. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux une fille. Il dit, bon, viens. Et le nom que tu veux qu'elle porte? Elle dit, ce nom, elle porte, la femme même porte le nom Happy. Donc, l'eau aussi, elle s'appelle Happy. Et elle dit, bon, donc, je veux ce nom. Il dit, bon, d'accord, si c'est vraiment ce que je fais, si c'est ça, la femme va venir, c'était une fille, et le nom Happy va venir. Il va porter le nom. Effectivement, le même mois, elle a eu la grossesse. Elle devait accoucher 9 mois après. Et il restait une semaine pour qu'elle accouche. Elle a des histoires avec son mari. Et voilà que le mari est allé m'appeler. La femme disait à son mari, écoute, vous êtes Satan trop malin. Il dit que je ne veux pas te faire un enfant. Et tu voulais que je fasse un enfant avec toi. Moi, je vais partir. Viens enlever ton enfant. Va, envoie-moi à l'hôpital pour vous faire le curetage. La nuit, il n'a pas là. Et le monsieur, comme tellement il a eu confiance à ce que j'ai fait, il allait m'appeler. Moi et mon épouse, nous sommes arrivés. Et devant moi, la femme me dit, toi, monsieur, là, je ne veux pas faire un enfant avec mon mari, et puis tu as fait des incantations. Et puis maintenant, je suis enceinte. Viens enlever ton enfant. Envoie-moi à l'hôpital, bien, viens enlever ton enfant de mes entrailles. Alors, mon cœur a tressailli. Et j'ai dit, mais d'accord, comme tu ne veux pas cet enfant, donc, voilà, tu vas accoucher, cet enfant va mourir. Mais là, c'est dangereux. C'est Satan ne pardonne pas. J'ai vécu les faits. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Donc, voilà que une semaine après, la femme tombe malade. Elle va chez moi, sans son mari. Et je dis, elle est malade. Et bon, mais tu as cherché. Voilà. Après, elle dit, bon, c'est moi qui ai fait, j'ai demandé pardon aux esprits. Mais j'ai essayé de faire, pas moi. Son papa, la femme, la dame, son père est venu. Et pas moi, son mari est venu. Ils ont acheté un poulet. J'ai envoyé le poulet, quand j'ai présenté le poulet au fétiche, le poulet est mort sur place sans l'égorger. Et son sang était devenu noir. Je dis, ah, c'est grave. J'ai commencé à avoir peur, moi-même. J'ai commencé à avoir peur. Donc, la chose a commencé comme ça. Et la semaine, la femme voyage, elle s'en va dans son village, qui se trouve vers Alepé. Et voici qu'elle accouche une très belle fille, au nez pointu. Et elle porte le nom Happy. Et le père de l'enfant avait un chantier qu'il avait eu en son temps et qui était bloqué. Et quand ils sont allés me voir, j'ai dit, mais dès que ta femme va accoucher, tu vas voir ton chantier sera débloqué. 5 millions. Et effectivement, sa femme a accouché, le lendemain, son chantier a été débloqué. On lui avait payé 5 millions. Il était content, il a eu son enfant, il a eu l'argent, la joie était là, j'étais devenu vraiment son féticheur, ces choses. Je mangeais, il venait me voir, il m'a proposé même une somme de 20 000 avec un gros mouton, avec 3 bouteilles de gin et puis 2 cartons de œufs, tout ça, c'est là qu'il a proposé avant que je fasse le travail. Et voilà que un dimanche, on tient de manger, et voilà que la nouvelle vient. Du village, il envoie un jeune homme pour dire que l'enfant est malade. Mon cœur est coupé. Et je suis en train de regarder ce qui s'est passé, ce qu'ils avaient dit, c'est revenu à moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le monsieur, il avait l'argent, il a pris le taxi, il dit 7 000 francs, il dit allons vite, j'ai plus les nécessaires. Et puis, on est parti vers Alepi dans un village. On est rentré dans la maison. Voilà que la femme était dans ma chambre. L'enfant était sur l'antenne de têter. Et on dit, voilà, l'enfant avait fontanelle. L'enfant saute, il dort pas. J'ai dit, bon, mets-moi l'enfant. Son papa est arrivé. M'a mis l'enfant. J'ai mis l'enfant sur mes genoux. J'ai regardé l'enfant, mais ce n'était pas possible. L'enfant était une fille, une belle créature. Et cet enfant m'a fait signe des yeux. Bébé là, fait signe des yeux. Il a ouvert les yeux comme ça, il a fermé, il a ouvert, il a fermé 3 fois. Et puis il a rendu l'âme. Et j'ai crié. J'ai appelé le nom de cette rivière. L'enfant est debout. J'ai dit, je dois sa main, il a commencé à têter. Et je suis sorti. Au début, j'ai mis mes choses. Et puis, bon, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander. Alors, c'est moi, je ne connais pas Saint-Louis. C'était Satan, j'ai invoqué. Il dit, mais si c'est cette eau qui a donné cet enfant, alors il faut que la pluie vienne. La pluie tombe. J'étais en plein midi, la pluie est venue. Aïe! J'ai commencé à avoir peur. Il dit, mais si cet enfant va mourir, alors que la pluie n'est qu'à venir. Encore, la pluie est venue. Alors, c'est pas possible. J'ai tout fait pour que l'enfant reste en vie. Ça a pas. J'ai dit, bon, je vais l'envoyer chez moi-même où se trouve la bouteille d'eau, même où se trouve même la racine. Je vais l'envoyer. Je l'ai envoyé chez moi à la maison. Un taxi avec sa famille est venu. La nuit, il n'y a pas de musique au matin. L'enfant, il était là. Mais il était, faisait tout, hein. Mais dès que je me déplace, c'est moi. L'enfant commence à aller en larmes. Jusqu'à bon, il y a une dame qui dit, bon, l'enfant a fontanelle, donc on a qu'à envoyer dans un petit village pour pouvoir soigner. Alors on envoie l'enfant, il vient à soigner, l'enfant tétait. Son papa dit, bon, on va aller prendre un peu un verre. On s'en va, on est allé en train de le boire. J'ai vu la pluie venir trois fois. À faire trois signes, ça fait waouh, trois fois. On court venir, on dit, l'enfant, la fille est décédée. La fille est décédée. Et du coup, il arrive, c'est déjà très tard. Et on l'a enterré, ils sont venus. Mais quand ils sont venus arriver, à Chabobo, chez moi, là, dans le quartier, tout le quartier s'est révolté. Le monsieur m'a dit que c'est moi qui ai tué son enfant. Et le village, tout le monde était réuni. Donc il faut un tribunal, vous passez. Et à ce moment-là... Vous qui avez fait le fétiche pour qu'il y ait l'enfant. Oui, qu'il y ait l'enfant, mais là, c'est moi qui suis accusé, c'est moi qui ai tué l'enfant. Et voici un tribunal qui est venu. Le village est debout, tout le monde est venu pour aller contre moi. Et Dieu, quand Dieu a sa main sur toi, tout ce qu'on fait, ça ne peut rien t'atteindre. Ça ne peut pas t'atteindre. Et le père du monsieur est un ancien juge au parquet. Alors ce vieux aussi, c'était un homme qui était aussi redoutable. Il a vu comment cette scène s'est passée en songe. Il a tout saisi. Et il était là aussi, ce jour-là. Son fils l'a appelé pour venir me condamner. Et il était là. Et ils ont donné leur version. Moi aussi, j'ai donné ma version. J'ai dit, mais j'avais ce secret-là, mais je ne sais pas comment faire. Ils sont allés me voir, j'ai fait. Maintenant, la chose a réussi presque. La femme est fâchée, elle dit non, qu'elle ne veut pas faire enfant avec son mari, et que moi, j'ai donné de l'enfant, devenu le filialé, le menu fait cultage. Une grossesse qui a 9 mois, comment aller faire cultage pour cela? Et quand elle a dit ça, vraiment, elle me dit, mais comme tu ne veux pas l'enfant, quand tu vas accoucher, l'enfant va mourir. Et ici, voilà ma version. Alors son papa s'est levé et dit, non, monsieur, vous avez raison, vous n'avez rien fait. Ce sont eux qui ont tué leur enfant. Parce qu'on ne s'est jamais vu. Vous allez voir quelqu'un, cet homme vous fait quelque chose pour vous, ça réussit, ou il atteint la fin. Voilà. Or, ce n'était pas de leur problème, parce que Satan, il voulait se glorifier, mais pour lui, il ne peut pas arriver à faire les choses bonnes. Alors, donc, voilà. Que ça crée des problèmes. Et bon, j'étais épargné. Et ils ont dit même que voilà, qu'ils ne passent plus chez moi. Parce que déjà, comme pendant 5 ans, ils ne font pas enfant. Donc, ils ne passent plus. Donc, maintenant, comme ils savent qu'ils font enfant, donc c'est fini. Moi, je n'étais pas d'accord. Je suis parti à la maison avec mon épouse. Arrivé là-bas, je n'étais pas content vraiment. Parce que j'ai été au nid. Donc, j'étais fâché. Et voilà qu'ils ont passé 5 ans sans enfant. 5 ans plus encore sans enfant. Ils sont passés par tous les chemins, pas d'enfant. Les féticheurs ont consulté et dit, allez-y voir le monsieur, sinon vous n'aurez pas enfant. Et voilà, l'occasion va se présenter. J'étais parti à Guingois pour des chantiers. Et que j'ai eu ce chantier, j'ai traité ce chantier. Et voilà que la facture devait payer. Or, le même monsieur connaissait celui qui signe les factures. Et bon, nous sommes rencontrés au plateau. Il dit, mais. Parce que tout le monde, on ne se parle plus, hein. On ne se voit plus, on passe. Mais comme c'est une affaire d'argent, donc j'ai dit, ah, j'ai une facture de 3 millions et quelques, mais est-ce que tu ne connais pas quelqu'un? Il a dit, non, mais il connaît le directeur qui signe les factures pour qu'on paye. Il dit, allons-y, on est parti. Il a signé et puis j'ai touché mon chèque. Ce jour-là, j'ai dit, voilà, tu vas avoir ton enfant là, va revenir. Oui. Et je suis parti. Il a dit, bon, paye une bouteille de gin, on va à la maison. Il a payé, nous sommes allés à la maison. Il a voyagé, je suis braqué. Et non, non, il faut dormir. Tu vas voir ton enfant. Même enfant va revenir. Ils sont partis. Et j'ai parlé. J'ai baisé sa terre, j'ai invoqué les esprits. Et l'enfant, j'ai dit, bon, allez-y ensemble la même nuit là. Et même nuit, ils sont allés ensemble. Et la grossesse est venue la même nuit. Et ils ont fait cet enfant. Même nom. Même fille, la nez pointu, même chose. Et voilà que j'ai dit, bon, maintenant, pour moi, c'est fini. Et actuellement, l'enfant vit, là, la fille, là, c'est pas... Bon, depuis, ils ont fait cet enfant depuis 85 là-bas, 86... Non, depuis 89 là-bas. Bon, donc, je sais pas si l'enfant vit, on se voit plus. Donc, ça continue. Il y a une dame aussi qui faisait pas d'enfant, elle est venue aussi. Et puis bon, même j'ai envoyé la photo d'enfant, d'un garçon. L'enfant est venu au monde. Et actuellement, l'enfant est malade. Et son papa m'a dit même que c'est moi seul qui peux délivrer l'enfant, parce que maintenant je suis en Jésus-Christ. Parce que je connais la providence de cet enfant. Je connais comment cet enfant est venu au monde. Par quel esprit cet enfant est venu. Tout enfant qui... Toute personne qui va chez un féfili, chez un marabout, et qui ont des grossesses, sont des esprits méchants. C'est Satan. C'est Satan. Je veux dire ça. Pour que la Côte d'Ivoire sache que Jésus-Christ est Seigneur. C'est l'esprit satanique. Plus de piton. Alors voilà que cet enfant aujourd'hui est là. La femme aussi a fait l'enfant. Elle venait me voir, donner à manger, tout. L'enfant est venu au monde. Et voilà que cela a commencé. J'étais là. Et voilà, encore, il y avait un problème. Toujours, je cherchais, toujours, mais j'étais toujours malheureux. Je faisais ça, mais j'étais toujours malheureux. C'était pas mon désir, c'était pour avoir de l'argent. Mais je ne gagnais rien. C'est que je vivais du jour au jour. Hein? Donc voilà que j'ai appris encore une autre nouvelle. Alors ça, c'est très, très, très, très, très grave. Et de connaître ce Satan-là et puis ne pas connaître Christ. Christ est Seigneur. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que oui, il y a un marabout qui donne encore des talismans, mais il faut aller au cimetière. Au cimetière. Alors, je suis allé à Gagnoua encore, j'ai eu le même marché. J'avais eu cet argent et j'avais gardé cet argent, 500 000. Et il m'a conduit chez le marabout. Le marabout m'a dit, bon, je peux faire ce travail pour gagner beaucoup d'argent. Mais 500 000 francs dans un papier attaché bien, avec des couleurs, puis des couleurs blanches, couleurs rouges, puis bien pilées. Et puis, il met mon nom dans un papier, et dans une feuille à table, balayer cet argent et aller au cimetière. Et... Le cadavre, c'est-à-dire que le mort aujourd'hui, qui est mort là, on l'enterre la nuit, vous allez vous enlever la terre, vous le déterrez, et puis bon, vous mettez ça dans sa bouche, et cela fermé, et le lendemain, vous allez ça sortir, poser sur la terre. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Il dit, si les 500 000 francs sont dans le talisman, dans ce qu'il va faire, chaque jour, vous aurez 500 000 francs jusqu'à votre mort. Alors, voici que j'ai dit, mais il n'y a pas de problème. J'ai donné les 500 000 francs, on a fait devant moi, on a attaché, tout fait devant moi. Nous sommes allés au cimetière, j'ai donné 50 000 francs au gardien. Et le gardien, il a suivi jusqu'à le dernier cadavre qu'on a enterré. J'ai allé, il a enlevé la terre, et puis il a enlevé le couvercle. Le fang, et puis bon, j'ai acheté une torche très puissante et j'ai dit, il faut vous mettre, je vais voir. Il a mis la torche. Je regardais, il dit, mais vous ne pouvez pas mettre dans la terre pour venir prendre, hein, vous mettez ça dans la bouche. Il a mis ça dans la bouche du cadavre. sur ma raquette. Le matin, je m'en vais. Je vois le colis mouillé et sur la tombe. Ah, c'est miracle. J'étais content, je dansais. J'ai dit, je suis brûlé, c'est fini. Mais vous voyez, 500 000 francs par jour. Mais qu'est-ce que je dois faire dans ce pays? Et c'est beaucoup de personnes qui font ça pour s'enrichir. Donc, je suis venu à la maison. 7 jours après, la mise au soleil. Et puis, j'étais là. 7 jours après, je vais voir, je demande bon, que ça, de faire un petit sac en blanc là, pour accrocher au mur. Et puis, bon, je mets dedans chaque matin, je mets ma main dedans. L'argent se trouve sur le colis. Et puis, 500 000 francs, je compte. Et puis, bon, je vais faire des affaires avec ça. Et bon, voilà. Ça a été fait. Et je ne voyais rien. Chaque matin, je sors, je ne vois rien. Je suis fâché, je suis allé voir le marabout. Il dit, mais qu'est-ce que c'est, ça se passe? Tu as réglé mon argent dedans ou bien quoi? Je dis, bon, envoyez les choses de l'âme, on a découpé. Je vois 480 000 francs dedans. Je dis, mais il consulte, il dit, non, les esprits de mort ont levé 20 000 francs. C'est 1000 billets de 10 000, les billets rouges là. Quoi? Bon, d'accord. On va refaire. J'ai refait avec 150 000. Et c'est ressorti encore. Et cette fois-ci, il me dit, bon, donc il faut que... Pendant 7 jours encore, ça ne sortait pas. Il dit, bon, il faut faire des sacrifices. Je suis allé, il dit, bon, qu'est-ce que ça fait? Il dit d'acheter un mouton. Un gros mouton, un mouton de génie. Or, ce mouton, il a les yeux comme les albinos. Ça, c'est blanc. Et puis bon, voilà que j'ai acheté le mouton, on a envoyé le mouton à 35 000 francs le mouton. On a envoyé, on a tué le mouton un dimanche. Et la nuit du dimanche, j'ai commencé à avoir en songe des choses qui vont se passer. Il y avait une femme qui avait en tête de se battre avec un monsieur. J'étais là, j'assistais, le coup de poing venu, ils se sont battus jusqu'à la femme a fait sortir 1500. Qui représentait dans le mystique 150 000. Et il n'a pas donné ça à l'homme. Et puis, ils ont cessé de faire parler. C'était le lundi nuit. Mardi, je voyais mon nom frappé à la machine, ça passait. Le mercredi nuit, je voyais des paquets de billets attachés avec des caoutchoucs passer. Alors, le mercredi, je voyais, je m'envoyais devant la maison, on a ouvert la porte. Toute la chambre est remplie de billets de banque. C'est ce que je devais avoir jusqu'à ma mort. Donc, le jeudi, je suis parti. J'ai dit, mais quel jour je vais avoir l'argent là? J'ai dit, mais faut attendre. Et le vendredi, nuit, je m'en vais encore. Et le garçon me conduit dans la brousse où il y a dans le cocotier. Parce que c'était non, les coulatiers. C'était la coulat qui était dedans ce qu'ils ont fait. Et je voyais le petit sac en blanc qui était accroché dans la chambre là-bas. Je voyais ça, c'est un coulatier. Et il me dit, mais il faut taper 3 fois. Et puis tu mets ta main dedans. Et puis tu enlèves. Et puis tu comptes. Et puis tu vois 150 000 francs. C'est que ça a réussi. Ensemble, j'ai mis du bien. Et je me suis mis comme un bon monsieur. J'étais assis les pieds entrecroissés. Et puis j'ai appris, j'ai mis tapé. Et j'ai enlevé l'argent, le paquet. Puis j'ai commencé à compter 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, jusqu'à 140 000. Le dernier billet qui devait faire 150 000, quand j'ai dû être déposé net, une lumière venant du ciel m'a envahi. Je suis tombé de mon lit en songe. Voilà, nous Nous sommes à témoignage et notre invité n'est autre que le missionnaire Brou Bagba Clément, comme vous venez de l'entendre. Il est animé du désir de vouloir s'enrichir et tous les moyens sont bons pour atteindre sa fin. Ainsi, donc, après avoir consulté un féticheur qui lui a remis un talisman, il était sur le point de toucher de façon très mystique et dans une vision cette somme d'argent quand une lumière subitement venue de quelque part l'a frappé et l'a troublé dans ses actions. Que va-t-il se passer dans la suite de ce témoignage? Nous vous le proposerons une autre fois. C'était un témoignage. Laurent Bolo, microphone pour la présentation, technique et réalisation. Atse fidèle. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Merci de rester fidèle à l'écoute de nos programmes. C'est avec une joie renouvelée que nous vous retrouvons à cet autre numéro de témoignage. Laurent Bolo au microphone pour la présentation, technique et réalisation, fidèle Atse. Aujourd'hui à témoignage, nous poursuivons notre interview avec le missionnaire Brou Bagba Clément. Il est marié et père de 12 enfants. Nous vous rappelons que dans les témoignages précédents, il était question pour M. Brou, à l'époque, de chercher à s'enrichir et il voulait devenir forcément riche en passant par des voies très détournées, notamment au travers de la magie et du fétichisme. En songe, il voit son projet être sur le point de se réaliser quand il se voit en train de compter des billets de banque et subitement, une lumière venue du ciel vient et le foudroie. Voici l'endroit où nous étions arrêtés et quand M. Brou racontait son témoignage. Je crois bien que c'est cela. Ah oui, c'est exactement cela. Voilà, donc nous poursuivons avec nos auditeurs qui sont fidèles à l'écoute de cette émission pour savoir la suite. Quelle Amen. Est cette lumière et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Amen. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait et ce qu'il a fait pour ce témoignage que je vais maintenant continuer toujours. Et qui dit des grandes choses de ce que ma vie était tellement mauvaise sans Jésus-Christ de Nazareth. Mais maintenant, et je continue toujours à faire des recherches. Et voilà que j'avais, au moment où je ne cherchais pas le fétichisme, je ne venais pas pour aller vers les marabouts. Le Seigneur me donnait du travail, mais sans le savoir, sans connaître que c'était Dieu qui me donnait du travail. Et j'avais eu un chantier de 20 millions. Il y avait des jeunes qui étaient venus me voir et dit « Ah, qu'il y a une école qu'on devait construire à Bobo et que... » Je voudrais qu'on revienne un peu sur un fait. Dans le témoignage précédent, vous étiez en train de compter des liasses des billets. Hein, vous avez pratiquement fini de compter ces liasses des billets et une lumière est venue d'en haut. Lumière, oui. Que s'est-il passé? Bon, voilà. Cette lumière est venue d'en haut pour m'embrouiller parce que dans ce temps-là, vraiment, j'étais complètement ébloui. Et ça n'a pas pu réussir ce que j'avais fait. C'était complètement zéro. Et je suis retourné bredouille. Et c'est à partir de ce moment que Dieu voulait monter sa gloire. Et maintenant que voilà, et que quelqu'un est venu me dire qu'il y a du travail. Parce que c'était déjà annulé, ce que j'avais fait, c'était déjà annulé. Il y a un jeune homme qui est venu me dire « Ah, il y a de quoi faire maintenant. » Oh, je suis allé pour... C'était parce que j'étais tâcheron en bâtiment et nous avons fait des devis. Des devis et beaucoup en fait, nous étions 5 entrepreneurs, 5 tâcherons et c'était moi qui étais choisi. Le marché était 20 millions de francs. Et j'ai fait le travail... J'ai dit à ceux qui m'ont confié le chantier, les parents d'élèves, ils ont dit que est-ce que je peux commencer ce chantier sans avance. Bon, j'avais un Européen, un chef de chantier qui m'a financé, et c'est lui qui m'a fait faire ce travail en me donnant au moins 500 000 francs pour pouvoir commencer les travaux. Et j'ai eu une avance de 7 millions. Voilà comment la chose a commencé encore. Parce que quand j'ai eu l'argent, je suis rentré encore dans le vétichisme. Vous voyez, comment Dieu me confondait. Il voulait m'enrichir, mais moi, je cherchais cette richesse selon la chair. Est-ce que vous voyez? Il y a deux phases, vous voyez. Parce que Dieu m'a déjà béni, mais je ne regarde pas cette bénédiction. Mais j'allais chercher avec Satan et Dieu coupait. Il mettait fin. Au moment où il me donne les moyens et que je veux maintenant aller chercher pour Satan, il coupe. Vous voyez. Donc, il m'a donné ce chantier. Dès que j'ai eu l'argent net, je suis rentré encore dans le vétichisme. J'étais parti à Boaké pour adorer, pour voir un monsieur, un féticheur. Je suis parti avec 300 000 francs de cet argent, il y avait eu, et voir un féticheur qui adorait des bois, l'écorce de bois. Vous voyez. Et donc, l'écorce de ce bois, je suis allé m'offrir des poulets pour dire que je vais avoir encore autre chantier. Or, on m'a proposé encore un chantier de 14 millions. Oh, c'était fou. Dès que j'ai fait le fétiche net, le chantier est arrêté. Des 20 millions, là, le chantier des 20 millions était arrêté. Et ce que je suis parti chercher à Boaké, je n'ai pas vu aussi. Je suis revenu. Et j'ai continué à faire des recherches jusqu'à aller même voir de ceux même qui multiplient de l'argent. Des gens qui sont dans ce pays, qui font des choses pour tromper les gens, qui disent qu'ils multiplient de l'argent, les billets de banque. Et j'ai mis de l'argent dedans. Ils m'ont trompé. Et même, je suis allé jusqu'au Bénin, où m'a confié un magicien aussi. Il m'a trompé. Je suis revenu, cet argent de 7 millions que j'avais eu, que Dieu m'avait donné là. C'était parti sans que je puisse avoir quelque chose comme intérêt là-dessus. Ils ont tout pris. Et voilà maintenant, pour encore pousser loin de ses recherches, il y avait un jeune Nigérien, Aoussa, qui travaillait avec moi dans mon chantier. Il m'a parlé d'un monstre, un génie, au Niger, précisément dans le village qu'on appelle Gougé. Les Aoussa connaissent ça très, très, très bien. Et il m'a mené jusqu'au Niger. Je suis allé au Niger, dans la ville où on appelle Tawa, et dans un petit village qu'on appelle de Tamaski. Donc c'est de là-bas que je suis arrivé. J'arrive à Tamaski, je voulais aller à Gougé. Ce monstre-là, il a vers le bas, les pieds, il est un cheval, un animal. Maintenant, vers la haut, c'est un homme. Et quand tu arrives chez lui là-bas, dans le village, que tu t'avances vers son maître et que tu c'est tout ce que tu demandes, s'il accepte, tu as ça, tu viens, tu es riche. Et voici que moi, je suis arrivé. J'arrive à Tamaski dans un village d'Aoussa qui était. C'est un petit village bien joli, riche, où ils ont construit la plus belle mosquée de Niger. J'arrive là-bas, je demande des renseignements. On me dit non, que ce monstre vient de mourir fait une semaine. Gloire à Jésus, parce que le Seigneur avait sa main sur moi. Il ne voulait pas que je puisse avoir cet argent, l'argent satanique. Ce monstre vient de mourir, ça fait une semaine, et j'arrive. Vous voyez. Donc, je suis revenu. Je suis resté à Tamaski pendant 40 jours. Et j'ai cherché. Je suis revenu à Abidjan, zéro. Voilà, à peu près, ce que je voulais dire pour ce moment, parce que pour que je puisse terminer cet aspect de la richesse sans Jésus, je voudrais m'arrêter là, mais donner au moins des conseils à des frères, à des amis, qui sont dans ce domaine. Actuellement, où nous sommes, le monde est troublé et c'est Jésus seul, il faut s'appuyer là-dessus pour avoir le bonheur, hein, pour pouvoir vivre. Et je voudrais lire un passage dans la Bible qui dit que ce passage est beaucoup important. C'est ce que j'avais eu. Il a dit dans Marc chapitre 8, à partir du verset 36 à 38, il est écrit « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ?» Alléluia. C'est important. Donc je dis à mes frères, mes sœurs, messieurs et mesdames, parce que l'homme qui cherche cette richesse satanique perd son âme et il meurt. Et son âme va en enfer. Mais celui qui revient en Jésus a le bonheur. Voilà à peu près ce que je veux dire. Et aujourd'hui, nous recevons le missionnaire Brou Gbagba Clément. Avec lui, nous passons ce merveilleux temps de témoignage, de récit des bienfaits du Seigneur. Tout à l'heure, vous avez cité un passage biblique. Que sert-il à un homme de gagner l'univers s'il perdait son âme Cela veut dire que désormais, votre vie a changé. Complètement, ma vie a changé. Après avoir couru... Après avoir couru derrière les féticheurs, derrière les marabouts, derrière l'adoration des rivières, le Seigneur m'a appelé dans son ministère. Mais comment vous avez rencontré bien, le Seigneur? Je vais maintenant me mettre dedans. Je bénis l'Éternel des armées qui a réservé son serviteur comme sorte de tasse, qui m'a donné la vision de l'adorer. Et voilà comment le Seigneur m'a appelé. C'était en 90. Et en ce moment, j'avais eu un problème avec une dame, une jeune fille. Une somme de 10 000 francs où j'avais pris et qu'il m'avait demandé d'aller acheter des tôles, des vieilles tôles. Et puis cet argent, j'avais déposé cet argent. Et cette fille, une fille, m'a envoyé à la police. Donc, c'était le 5 janvier 90. La police est venue chez moi à la maison. Ils m'ont manqué. Et la nuit, un jeudi, Non, c'est-à-dire que le mercredi, j'ai dit matin, j'ai vu une lumière, grosse lumière qui vient dans ma chambre. La nuit, tout le monde dormait, tous mes enfants dormaient. Et j'ai vu cette lumière moi seul. Et j'entendais une voix qui dit, lève-toi et va-t'en. Lève-toi et va-t'en, trois fois. Je me suis réveillé, j'ai regardé. Comme dans la cour où je suis, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lampe. Il n'y avait rien. Donc, voilà que j'ai vu la lumière apparaître. Et c'est parti. C'est venu une deuxième fois. J'ai vu la lumière encore. Comme une grosse torche a passé dans la chambre. J'étais troublé. Et la voix est revenue encore. Lève-toi et va-t'en. Jusqu'au petit matin, la lumière a disparu. Et je me suis lavé vers 6h30. J'ai dit à ma femme que je sors. J'avais un petit sachet à la main, puis je suis sorti. Oh, pendant ce temps, quand je parcourais les marabouts ou autres là, j'avais un petit Nouveau Testament dans ma poche. Quand je bougeais, je lisais le psaume 50. Je partais m'asseoir et je lisais ce psaume-là sans connaître, sans savoir que c'était le plan de Dieu. Amen. Donc, j'étais là et puis bon, j'étais sorti. depuis le matin à 6h30 chez moi, sans manger, sans donner l'argent à ma femme, ni rien. Et puis je suis parti dans la rue, comme un fou. J'étais dans la rue jusqu'à vers 16h. J'entends une voix qui me dit, va Zopé, va Zopé, va Zopé. Je regarde, je cherche, je dis, c'est qui me parle? Va Zopé. Et je m'assois. La voix me dit, mais lève-toi, va Zopé. Alors, j'étais en 90, je dis bien le 5 janvier 90. Et j'ai marché, allé vers l'avocatier où souvent nous prenons les cas pour aller à Zopé parce que là, c'est moins cher. Or, je n'avais pas 5 francs aussi en poche. Et je suis arrivé à cette gare et j'ai vu le cas qui partait, qui devait aller à Zopé. Il demande, je vois, bon, vous allez à Zopé? Il dit, oui. Je dis, mais moi, je suis allé à Zopé. Oh, dans cette gare, j'étais seul là. Ce jour-là, j'étais seul. Et voilà que devant moi, le car est arrêté. Le monsieur a ouvert la porte. Le convoyeur a ouvert la porte. Je vois quelqu'un devant moi qui monte. Et moi aussi, j'ai monté derrière le monsieur, sans le connaître. Et le monsieur est allé s'asseoir vers l'arrière. Et moi, je suis assis vers le chauffeur, au milieu. Et puis, le convoyeur est allé vers le monsieur. Et puis, bon, il est venu s'asseoir auprès de moi, sans me demander le transport. Et puis bon, je suis arrivé, on est parti jusqu'à arriver dans un village. Le convoyeur me demande, mais vous avez descendu ici, monsieur? Je dis, non, je vais à Zopé. Et je suis arrivé à Zopé jeudi à partir de 19h. Et il me dit au revoir, sans me demander de transport. Oh, si il me demande le transport, je n'avais pas l'argent, comment j'allais payer? Je suis allé sans connaître que moi j'étais à Zopé. Et c'est là, quand je suis arrivé à Zopé, j'ai vu un frère qui est venu vers moi. Il dit, mais grand frère, qu'est-ce que tu es venu? Il dit, mais je suis venu. Bizarrement, je suis venu à Zopé. Mais j'ai faim maintenant. Et il m'a acheté 2 plats de la nourriture. On a mangé, j'ai mangé. Il m'a mis encore, il m'a donné 3000 francs. Il dit, bon, je vais aller au village. Un moment, il m'a dit, non, je vais te donner ta taxi, on va aller ensemble. On est allé jusqu'à 20h au village chez moi. Et puis j'ai dormi le matin. Je suis revenu encore à Zopé. À la même heure, à 16h encore, j'entends une voix qui me dit, demande la prière, demande la prière, demande la prière. Mais dis donc, mais je cherche, qui me parle, je ne le vois pas. Mais il me dit, et puis mon copain. Je suis allé vers là-haut. Je suis revenu vers le commerce dans Zopé là. Il y a l'église Assemblée de Dieu qui est là, qui a l'église là. Et puis il y avait une jeune fille qui vendait des bouquins, des bibles, des prospectistes. Et j'ai vu sur le kiosque là, Jésus t'aime. J'ai vu un prophète qui était collé, il dit, Jésus t'aime. Quand j'ai vu Jésus t'aime, là, mon cœur est coupé. J'ai parlé, il dit, mais qui est là? Puis il dit que Jésus t'aime. Et je suis allé vers la jeune fille. Elle me dit, ah, voilà un homme de Dieu. Voilà celui que Dieu cherche. Je n'ai rien compris. En ce moment, je vous assure que mes frères et soeurs, je parle, dans ce témoignage, ce Seigneur est Seigneur. J'avais sur moi les amulettes. J'avais dans mes doigts des bagues. J'avais même des ceintures de sécurité, tout ça là. En montant, tu ne peux pas me taper. Quelqu'un me tape, mais tu es foutu. Vous voyez, j'avais tout ça sur moi et je suis parti à Zopé. Sans rien comprendre, je suis parti à Zopé. Et la jeune fille m'a vu. Et puis, je me suis apposé d'elle. Elle me dit, voilà, Jésus peut te sauver. Je dis, ah, écoutez, ça c'est le saint de Jésus pour me sauver. Qu'est-ce qui est ce Jésus-là? Maintenant, ce qu'elle a fait qui est merveilleux, elle me tend la Bible. Elle me dit, voilà ton cadeau. J'ai saisi, quand j'ai pris la Bible là, bon, j'ai senti quelque chose, un poids qui était en train de dégager à moi. Bon, elle me dit, viens t'asseoir. Je suis rentré pour m'asseoir. Derrière le comptoir, je suis allé m'asseoir avec elle. Parce que moi, j'avais l'intention d'aller la cotiser. Parce que bon, je la connaissais il y avait longtemps, j'avais guetté il y avait longtemps, c'était une soeur que je voulais même convoiter. Or, c'était le plan de Dieu pour pouvoir me prendre. Et je suis arrivé, il m'a dit, mais nouvelle, il dit, bon, que. Il dit, ah, dis-moi, vous feuilletez. Et j'ai commencé à feuilleter. Je suis tombé sur le psaume 151 là encore. Et j'ai commencé à lire, pardonne mon péché. Le psaume 51. Ouais, ouais, le psaume 51, excusez-moi. Le psaume 51. J'ai commencé à lire ça. Et un moment, la femme, il y a une voix qui me dit, demande la prière. Et l'autre voix me dit, lève-toi, il faut partir. Voilà un combat qui était dans moi. Jusqu'à j'ai demandé à la jeune fille, bon, prie pour moi. Sur place, voilà ma conversion. Il dit, prie pour moi. Elle dit, bon, elle va aller voir le pasteur pour venir prier pour moi. J'ai dit, il faut prier pour moi. Bon, elle allait vers la maison du pasteur, parce qu'elle n'est pas là. Et puis elle est venue vers, c'était vers maintenant, vers les 18h. Elle dit, bon, on va aller à la maison et puis on va prier pour toi. Je l'ai suivi, il a fermé sa boutique. Et puis nous sommes partis à la maison. J'arrive chez elle à la maison, il y a une autre femme aussi qui était à la maison. Une sœur en Christ. Elle m'a fait asseoir. Et une devant moi, l'autre derrière moi en train de prier sur moi. Briser tous ces liens-là. Et un moment, j'ai senti dans mes empreintes de mes pieds une chaleur qui me chauffait. Et puis quelque chose qui dégageait de mon corps jusqu'à comme un fardeau qui était sur ma tête. Et puis ça s'est enlevé. Et puis je suis devenu léger. Et puis elles ont tenté de prier. Et puis voilà, j'ai senti la glace qui rentrait. Comme quelque chose de glace qui rentrait. De ma tête jusqu'à la pointe des pieds. Puis j'ai tressailli un coup. J'ai dit, super, j'ai dit, ah, je marche avec Christ. Je prends Jésus, je choisis Jésus-Christ. Sur place, j'ai enlevé les bagues, j'ai enlevé les amulettes, j'ai enlevé la cellule de sécurité, tout ça, tout ce que je portais. Et puis, je dis, voilà Jésus, je prends Jésus. Voilà comment j'ai fait. Et voilà que, maintenant que Dieu va confirmer ça, le même vendredi, là, il y avait une dame qui était une sœur en Christ qui était morte dans un village qu'on appelle Moapé. Et puis, j'ai suivi les sœurs. Ils sont partis pour la veiller, puis j'ai suivi. J'arrive à Moapi dans une cour. Voilà, ils étaient à la réunion de prière le soir. Et ils étaient en train de chanter. Alors, il ne fallait pas voir cet homme Bagba en train de danser la louange de Dieu. C'était merveilleux. Il y avait une vieille qui était là, qui était dans sa cour, celle qui dirigeait la cellule, est venue me prendre. Voici un homme de Dieu. Voici un grand homme de Dieu. Voici, elle a l'air de pleurer, danser. Et j'ai commencé à danser avec elle. Tout ce qui était venu là, j'étais étonné, je croyais que j'étais chrétien là. Voilà comment le Seigneur m'a appelé. Donc, je suis resté là 2 semaines. Sans, vous avez abandonné. Oui, sans savoir que j'étais quelque part de Dieu. Voilà. Alléluia. Il le fallait vraiment. Oui. J'étais perdu comme ça. J'étais là-bas. Oh, mon épouse souffrait derrière ici. Mon épouse est allée jusqu'à envoyer une commission au village pour dire que je suis perdu, que la camion m'a tué, ou bien on m'a arrêté, je suis au commissariat quelque part. Et moi, je suis dans un petit village en train de louer Jésus. Amen. Amen. Donc, voilà que maintenant, jusqu'à 2 semaines, maintenant j'ai commencé à prendre conscience que je suis venu. C'est maintenant que j'ai commencé à voir que j'ai laissé ma famille. J'ai commencé à regretter maintenant. Oh, c'était le plan de Jésus-Christ. Et je suis venu à Azopi pour raconter le pasteur Guillaume. Oh, c'est un pasteur qui m'a vraiment épaté ce jour-là. Nangui Guillaume Salama. Nangui Guillaume, c'est vrai. Oui, c'est lui. Alors, le mardi, c'était la réunion de prière. Je suis arrivé à l'église. Par la sœur qui m'a appelé pour me donner la Bible, elle s'appelle Julie, Marie-Julie, elle est à Zopé là-bas, c'est ma mère spirituelle, et je l'aime beaucoup parce que vraiment, elle m'a donné beaucoup d'enseignements, elle a prié beaucoup pour moi. Donc, elle m'a amené à l'église. Et ce jour-là, mes amis, Nangui Guillaume prêchait l'évangile. Et c'était sur moi. Tout ce qu'il disait, c'était moi. Et voilà que, quand il met son doigt, il dit, toi là, voilà ce que tu as fait, tu étais dans le monde, voilà ce que, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Il me disait des choses, il donnait l'évangile et je me cachais en bas de la table du banlieue, je me cachais. Je dis, mais pourquoi il me connaît? Pourquoi il me... Qu'est-ce qu'il... Mais il est contre moi ou bien quoi? Mais pourquoi il me dit ça? Et si j'ai vécu avec lui, et puis il voit ma vie, et puis il est en train de me honnir comme ça. Oh, c'était l'Esprit de Dieu qui me parlait pour me repentir sincèrement. Et maintenant, quand il avait fini de prêcher, il a dit, mais tu es là parmi ce peuple, alors aujourd'hui c'est ton tour. Fais un effort, lève ton petit doigt. Et Jésus t'appelle, Jésus t'aime, Jésus a fait pour toi. Lève-toi, viens, viens. Mais je mettais mon doigt comme ça, je dis que ça ne peut pas se lever. Il y avait un poids dessus. Et jusqu'à ce que j'ai levé le doigt, il dit, ah très bien, prends courage, viens. Fais un effort encore, lève-toi. Pour me lever, c'était comme des tonnes de poids qui étaient sur moi, je ne pouvais pas me lever. Jusqu'à un moment, je me suis levé. Il dit, maintenant, fais encore un pas en avant. Fais un pas en avant, prends courage. Mais je regarde autour de moi, j'étais seul. Les gens ne se lèvent pas, mais c'est moi ça qui se lève. Mais les gens ont fermé les yeux, ils étaient là. Et puis c'est moi. Je me suis levé. J'ai commencé à marcher, doucement. Je voyais là où le pasteur était c'est, et là je suis, on dirait plus de 20 kilomètres. Je ne pouvais même pas partir. Je partais en tâtons. J'ai dit que j'étais tâtons. Jusqu'à quand je suis arrivé vers lui, il a appelé ses fidèles qui étaient autour de lui. Les anciens sont venus m'entourer. Seul, j'étais seul ce jour-là. C'était à cause de moi que la réunion a eu lieu. Et ils ont prié pour moi. Et quand ils ont prié pour moi, j'ai demandé que je vais rentrer chez moi à Abidjan. Ils m'ont donné la lettre. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Très important, c'est Jésus est Seigneur. J'ai demandé le Seigneur de venir, d'aller d'abord, de me dévancer de arriver chez moi pour détruire tous les fétis, tout ce qui est dans ma maison. Et le Seigneur a fait ce travail. Parce que tout ce que je demande, c'est là je vois, tout ce que je demande au Seigneur, il le fait pour moi. Quand j'ai demandé au Seigneur, va maintenant détruire tous les esprits de rivière, tout ce que j'ai mis dans le magasin, dans le salon, pour consulter les gens, va détruire cela. Il a envoyé son esprit, son ange, pour détruire. C'était un samedi que mon épouse n'avait plus de quoi manger, parce que je ne sais pas à quoi arriver. Il y a des enfants qui sont allés voir la télévision, ils ont fait pendant 2 semaines. Et mon épouse est allée à Dabou, vers son frère, pour prendre un peu d'argent. Et c'est comme des voleurs, ils ont cassé la porte et ils sont rentrés dans le salon, dans la chambre, ils ont tout cassé. Ils ont vidé tout ce qui est dans la chambre. Toute la valise, ils ont tout renversé. Ils ont fait sortir tout ce qu'il y a. Ils n'ont rien pris. Ils ont renversé tout. Comment dire, les fétiches là, ils ont tout renversé. Ils ont versé l'eau de la bouteille. Tout renversé. Et les enfants sont partis. Il y avait personne dans la maison. Et mon épouse est revenue. Il a vu, il était étonné. Il croyait que ce sont des voleurs qui sont venus. Et elle a ramassé les choses. Elle a constaté que les gens n'ont rien pris. Il y avait radio, il y avait les pannes, il y avait des choses. Ils n'ont rien pris. Donc elle a pris un menuisier pour pouvoir faire pour réparer. Et voilà que le lendemain, je suis arrivé à la maison. Amen. Amen. Je continue. Hein, c'est encore long. Ok. Ainsi, le Seigneur, dans sa grâce, a pris soin de nettoyer la maison de son serviteur qui venait juste de se convertir là-bas à Adzopé. Le Seigneur agit fidèlement selon la prière de son serviteur, Brou Baba Clément. Nous voyons là que Dieu est puissant. Dieu, dans sa grâce, nous exauce et dans sa grâce, il agit en notre faveur. Nous vous donnerons l'occasion d'écouter la suite de ce témoignage une autre fois. C'était témoignage, Laurent Bolo, microphone pour la présentation, technique et réalisation, fidèle Atse. Thank you. Merci de rester fidèle à l'écoute de nos programmes et bienvenue à Témoignages, l'émission réservée au récit des bienfaits du Seigneur. Je suis Laurent Bolo et je bénéficie de l'apport technique et aussi du soutien à la réalisation de Fidèle ATC. Aujourd'hui à Témoignages, nous poursuivons notre interview avec le missionnaire Brou Gbagba Clément. Il est marié et père de 12 enfants. Nous rappelons que dans le témoignage précédent, M. Brou, une fois chez lui à la maison, voit une lumière dans sa chambre, dans sa maison. Et puis se laisse conduire par une voie qui l'amène à Adzopé où il passe environ une dizaine de jours loin de sa famille. Sa femme et ses enfants ne savent pas où se cachent leur père et leur mari. Mais entre-temps, M. Brou à Adzopé fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Il se convertit au christianisme. Il abandonne ses fétiches qu'il fait brûler. Après avoir passé 2 semaines environ à Adzopé, loin des siens, il se résout à revenir en famille. Mais bien avant de venir en famille, demande à ce que le Seigneur brûle le reste de ses fétiches restés chez lui à la maison. Amen. C'était bien là que nous étions arrêtés, M. Brou, hein, missionnaire Brou. Amen. Voilà, et donc là vous n'êtes pas encore à la maison, mais vous disiez dans le témoignage précédent qu'un jour avant votre arrivée à la maison, des voleurs sont passés, ont tout renversé, fétiches, amulettes. Tout renversé, et que mon épouse est arrivée, surprise. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, elle a pris un menuisier pour refaire les portes et elle a ramassé les choses, elle a tout placé à la même place. Donc, dès que je suis arrivé, c'était aussi un mercredi nuit que je suis arrivé. Alors, dans le sommeil, je dormais. J'ai vu encore la lumière qui était là. Et la voix me dit, je suis Seigneur, je suis le Seigneur des Seigneurs. Je suis Dieu et je veux t'utiliser comme je veux. Alors j'ai commencé à trembler. Et voilà que c'est dans cette même nuit, mon 10e enfant tombe malade. Une fille tombe malade. Et je ne savais pas prier. Et j'ai posé ma main sur elle, j'ai dit, Seigneur, guéris ma fille. Quand j'ai dit cela, après, j'ai trouvé qu'elle avait été couverte de sueur. Puis, sur place, la fièvre a disparu. Elle était guérie. Sur place, dans la nuit, là. Bon, jusqu'au petit matin, le 9e enfant, il est différent de tous mes enfants, parce qu'il était né dans cet état-là. Donc, lui, il reste couché et tous les enfants sont sortis. Et lui, le 9e enfant, est resté couché. Moi, je suis sorti pour laver mon visage. Ils sont tous sortis, j'ai donné de l'argent. Ils sont allés manger parce que mon cousin m'a donné les trois, il avait gagné sur moi. Je suis arrivé avec cet argent, donc il y avait l'argent. Et puis les enfants sont partis. Mais le 9e est resté paralysé. Sur champ, sur place. Je l'ai pris pour sortir au dehors. Je vois sa langue est sortie, ses yeux ont tourné. Et mon épouse était en train de balayer. Et j'ai pris l'eau de la balayée, j'ai mis sur l'enfant et l'enfant mourait. Il en est l'âme. Mon épouse a crié. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'arriver et tu as une Bible à la main maintenant. Tu pries. Et tout ce que tu as ici dans cette maison, pourquoi ne pas les envoyer au village et puis venir te donner à Jésus? Il dit, mais moi je suis en Jésus. Parce qu'elle ne savait pas qu'il était en Jésus. Il dit, mais moi je suis en Jésus. Alors j'ai ramassé tout ce qu'elle a, j'ai mis dans un carton et j'ai mis ça hors de la maison. L'enfant en train de rendre l'âme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faire? Voilà l'épreuve encore d'attention de Satan. Quand mon épouse a crié, elle a dit, pourquoi tu as mis ça ici, tu n'as pas envoyé ça au village et puis maintenant tu as tout renié. Moi, si mon enfant me va mourir, si mon enfant meurt, j'aurai affaire à toi. Je vous assure que j'ai oublié Jésus. Je partais prendre les fétiches, le carton de fétiches là pour ramener encore dans la maison. Alors la voix m'a dit, ne touche pas. Il y avait une voix qui vient du ciel, dit, touche pas. J'ai freiné un coup. La voix me dit, prends ton enfant. L'enfant était couché, c'était son dernier souffle. J'ai pris l'enfant dans ma main. Il dit, rentre dans ta chambre. J'ai pris l'enfant, la voix me guidait. J'ai pris l'enfant, je suis rentré dans la chambre. Il m'a dit, pose l'enfant sur le lit. J'ai posé l'enfant sur le lit. Ah non, ce Dieu est grand, il est merveilleux. Il m'a dit, lève tes yeux. J'ai levé mes yeux vers lui. Il dit, ouvre ta bouche. J'ai ouvert ma bouche. Il dit, dis seulement Jésus. Quand j'ai dit Jésus, esprit de mort, va-t'en trois fois. Esprit de mort, va-t'en au nom de Jésus. Quand j'ai dit trois mots seulement, l'enfant debout, il s'est levé. Dieu dit, venez m'embrasser. J'étais de l'autre côté. Il a sauté, et puis il a couru, m'a embrassé. Et j'ai commencé à louer Jésus-Christ. Et j'ai pris l'enfant pour sortir. J'ai dit, mon épouse, voilà ton enfant. Voilà comment j'ai reçu Christ. C'est pourquoi l'évangile que je reçois là est trop puissante. C'est pourquoi je ne joue pas avec Christ. Voilà le miracle qu'il a fait pour moi. Mon enfant était mort. Il a ressuscité. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans l'œuvre que Dieu m'a donnée, quelqu'un, tu arrives là-bas, c'est la mort, Dieu te ressuscite. À l'heure où je suis en train de lancer ce témoignage. L'autre fois, je vous ai présenté quelqu'un qui était mort. Et puis, il m'envoyait vers celui, il rendait l'âme. Je dis, dès que j'arrive, si Dieu, mon papa, tu fais ton miracle, je le vois, je l'envoie. Je continue encore. Il fait des miracles à travers mon ministère. Des grandes choses, des prodiges. Et voilà qu'il va me conduire, il va m'envoyer pour être enseigné. Après cela, m'enseigner en prison à Zopé. Comment vous vous retrouvez en prison en tant que prisonnier ou aumônier de la prison? Bon, c'est-à-dire, j'avais fait. Parce que c'était une correction que Dieu voulait me donner pour m'enseigner qu'il est Dieu. Parce qu'il est trop désobéi. Parce qu'il est trop fait. C'est-à-dire que je l'ai minimisé. Maintenant, il faut qu'il me fasse souffrir comme il a fait sur des tasses. Il me fait souffrir. J'avais fait un travail depuis 86 pour mon village comme un marché couvert. De moment où je parlais que j'étais tâcheron. Dieu va prendre ça là pour pouvoir m'envoyer une manière je suis allé prendre de l'argent avec quelqu'un, un financier, et ce financier a tenu l'affaire comme quoi que je l'ai escroqué. Or, c'était une manière, Dieu voulait m'apprendre que tout ce que j'avais fait dans le monde là, lui me suivait et que je devais payer ça. Je devais souffrir pour ça et pour me montrer que lui, il est Dieu. Alors, le monsieur m'avait porté plainte. Le financier là m'avait porté plainte, me disait que bon, il m'a donné cet argent et que je n'ai pas remboursé. Or, ce sont les villageois qui devaient rembourser cet argent. C'était pas moi, j'ai pris le prêt pour mes villageois. C'était un projet frère où les paysans avaient leur participation et puis bon, le gouvernement a sa participation. Donc ils n'avaient pas d'argent et puis je suis allé voir un Coréen qui prêtait l'argent. Puis j'ai pris les 1 400 000 francs pour les villageois. Et les villageois n'ont pas payé. Le monsieur me dit, c'est toi qui vas payer ça. Et voilà que ça coïncidait ma conversion. Vous voyez, j'allais payer ça maintenant par la prison. Mais quand Dieu a permis que je sois arrivé là-bas, c'est là-bas qu'il m'a enseigné encore plus que quand j'étais dans ma maison. Là, le financier a multiplié cet argent deux fois. Il dit, ça fait près de 3 800 000. Or, c'était faux. C'était 1 400 000 francs que j'avais pris avec lui. Et il voulait avoir intérêt. Or, c'est de maths qu'on connaît Jésus. Menti sur son serviteur, parce que Dieu a dit ne touche pas mais oint ni à mes prophètes. Vous voyez? Donc, cela m'a amené en prison. Et je suis arrivé à Zopé devant le juge quand on m'a pris parti. Le juge me dit, mais tu dois, monsieur, 1 400 000 francs, mais il faut aller payer. Je dis, je ne paye pas 5 francs parce que je n'ai pas volé, je n'ai rien fait. C'est l'argent que j'ai pris pour mon villageois. Les villageois n'ont pas pu payer. C'est pas moi. Il dit, bon, je te mets en prison jusqu'à ce que tu vas payer. J'ai dit, si tu mets en prison là-bas, on ne va pas payer. Et je suis arrivé à Zopé, dans la prison. J'ai vu la misère de la prison. J'ai vu l'enfer et le paradis. C'est une manière de me corriger, de me montrer qu'il y a l'enfer et le paradis. Donc, j'ai vu des condamnés, j'ai vu des prévenus, j'ai vu ceux qui étaient assimilés, c'est-à-dire les fonctionnaires. Or, il y a trois classes là-bas, en prison. Mais comme dans aussi en enfer, c'est comme ça. Vous voyez? Donc, dès que on m'a pris au tribunal, quand je suis allé voir le juge, il m'a amené les gardes pour aller me mettre en prison là-bas. Au seuil de la prison, quand ils ont ouvert la porte, ils ont dit, bon, il faut sortir, il faut te déshabiller. Là-bas, on te déshabille à poil, nu. Et j'ai dit, bon, mais s'il vous plaît, attendez, je vais prier le Dieu des cieux d'abord, avant de lever l'habit qui est sur moi. Parce qu'il m'a porté son habit blanc. Maintenant, là, autrefois, là, je ne savais pas. Maintenant, je sais que mon papa m'a porté son habit blanc. Donc, j'ai le prié d'abord avant d'enlever. Mais quand j'ai levé la voix, j'ai prié, le gars a fui. Il a quitté sur place. Il dit, non, ça, il ne faut pas te toucher. C'est un pasteur, voilà, il faut le mettre là-bas. On m'a mis là-bas, mais je lui dis, j'ai fait 2 mois. Hein. Mais ce que le Seigneur m'a montré, c'était trop de merveilles. Je voyais mes talents. Quand je priais, Dieu me donnait la solution. Je voyais tous ceux qui étaient malades, Dieu guérissait. Je voyais tous ceux qui trouvaient à manger. Quand je priais, hein, le Seigneur envoyait les parents de communiquer, d'envoyer de l'argent. Et que, avant les 2 mois que j'avais fait là-bas, il m'a montré que c'est lui qui donne la nourriture. Il m'a montré. Parce que la prison, il n'y avait rien, il n'y a rien. Les gens souffrent. Il y avait un petit bol comme ça de maïs pilé, sans trier, sans vanner. Et on prépare, on leur donne à manger. Et Dieu m'a montré comment est la misère de la prison. Que nous devons, c'est mon travail d'aller en prison pour prêcher l'évangile. Nous devons aller, les chrétiens doivent aller en prison, prier pour que Jésus-Christ sauve tous ceux qui sont là-bas. Et il m'a montré que je célébrais les cultes les dimanches. Le régisseur est venu, c'était un régisseur islamique qui est venu. Il m'a interdit. Il dit, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Tu es venu faire la prison, peut-être tu es venu prier Dieu ici. J'ai dit, je suis venu, mon papa m'a envoyé pour que je prie son nom, je prie. Il m'a dit, bon, tu pries encore. Va, il m'a interdit une semaine. J'ai dit, Seigneur, si vraiment je suis ton oint là, fais quelque chose. Une semaine après, il me dit, pasteur, il faut prier. Alléluia. Pasteur, il faut prier. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, un mois après, plus tard, on l'a fêté ailleurs. Et on avait d'autres, un autre qui me faisait prier. Et jusqu'à ce que un vieux mourait. Le vieux mourait. Il avait un problème de zona. Il devait être en larmes. Et à partir de 16 heures, oui, la prison c'est dangereux, c'est très difficile. 16 heures, on enferme tous les prisonniers dans la chaleur. Et on nous a enfermés. Et le monsieur rendait l'âme. Et on l'a mis à la poubelle à côté des déchets. Il y avait une barrique où les prisonniers chient, puis ils font tout là-bas. Et c'est à côté où on a déposé le vieux pour en larmes. Et de 16h jusqu'à 22h, moi j'étais couché. J'étais là, je priais dans le secret. Jusqu'à 13h, à 4h du matin, le Seigneur m'a réveillé et dit, je veux me glorifier. Seigneur, il disait que maintenant je vais me glorifier, te montrer que je vais t'utiliser, je suis Dieu, je suis le Seigneur des Seigneurs. Et voilà que je me suis réveillé, il m'a réveillé. Il me dit, va prier pour cet homme qui a été dans l'âme. J'ai dit, mais ça sent mauvais. J'ai discuté avec Dieu. Il dit, ça sent mauvais. Il dit, va prier. J'ai traversé les pieds, il était plus de 150 personnes dans la salle. Des pieds entrecroisés. J'ai marché jusqu'à ce que je suis arrivé vers le mort. Je me suis mis à genoux dans les déchets, les gens pissés, la barrique est remplie, et ça tombe. Et l'odeur, et je me suis mis à genoux dans cette eau-là. J'ai levé les yeux et dit, Seigneur, fais quelque chose maintenant. Quand il a dit Seigneur, l'odeur est finie. L'odeur des déchets, c'était fini. Et j'ai prié au moins 45 minutes. Sans cesse, j'ai mis ma main sur le mort. J'ai prié jusqu'à ce que j'ai eu sueur partout. Même mon slip était mouillé. J'ai dit Amen. Quand j'ai dit Amen, je me suis levé et j'ai rejoint ma place. En un moment, j'attends une voix qui dit « Pasteur, pasteur, aboie, aboie, aboie. » Le mort est ressuscité. Alléluia. Le mort est ressuscité. Amen. Alors, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Pourquoi tu me fais ça ?» Il dit « Je vais t'utiliser comme je veux. Parce que tu m'as trop fatigué. » Souffre. Il est Dieu. Il est puissant comme Dieu. C'est pas l'adorer, c'est ça. Donc, le mort s'est levé. Il a crié, pasteur, je veux boire, je veux boire. Je suis reparti lui donner de l'eau à boire. Et il a commencé à parler maintenant. Il a dit, il y avait un chef de prisonnier qui s'appelle Aké. Chef Aké, vous croyez que je suis mort? Vous croyez pourquoi m'avez déposé dans la poubelle ici? Jésus m'a ressuscité. Mais je vous assure que j'ai pleuré. Je continue à pleurer pour ce que le Seigneur me fait avec moi. J'ai pleuré jusqu'à ce que le homme qu'on a déposé dans la poubelle, dans le tombeau, je peux dire, s'est levé, allé rejoindre sa place. Et le chef Aké a levé l'abat-jour sur la lampe. Et puis, tous les prisonniers se sont levés. Ils ont vu le monsieur s'asseoir. Les gardes sont venus. Ils ont vu le monsieur. Le lycée est venu. Ils ont vu le monsieur. Mais le lendemain, dimanche là, les chrétiens ont donné leur vie en Jésus-Christ. Les prisonniers, vous voulez dire? Les prisonniers, excusez-moi. Les prisonniers ont donné tout. Plein de 100 personnes ont donné leur vie en Jésus-Christ. Voilà le ministère que Dieu m'a confié. Et il a commencé à faire des grandes choses jusqu'à ce que il m'a fait libérer, il m'a fait sortir sans payer, sans donner 5 francs au financier, au monsieur qui a donné 1 400 000 francs. Et à ma grande surprise, quand je suis arrivé, on l'a rapatrié de la Côte d'Ivoire. C'est un courrier, un professeur à l'université. On l'a rapatrié parce qu'il avait touché le coin de Dieu. Parce qu'il avait fait une combine pour qu'il puisse avoir des bénéfices avec moi. Donc, voilà à peu près ce que le Seigneur a commencé à faire dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, il fait la même chose. Il fait cela. Et c'est pourquoi je suis là. Pour rendre gloire à l'Éternel. Pour lui dire des merveilles. Pour que tous les frères, les sœurs qui entendent ce témoignage, prient sincèrement, donnent leur vie comme il faut au Seigneur, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Il utilise celui qu'il veut utiliser. Il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Il fait sa volonté dans la vie de l'homme. Ce n'est pas notre volonté qui compte. C'est sa volonté qui compte. Et il donne la révélation à ses enfants, à ses oints qu'il a choisi. Ouais, donc voilà ce que je voulais dire. Et de ce faire, je voulais lancer un appel à toute la population, à tous les frères, les chrétiens du monde entier, s'ils entendent ces témoignages, et de donner leur vie comme il faut. Il y en a beaucoup encore d'autres choses qu'il fait pour moi. Alors si... Donc, il y a beaucoup de choses qu'il fait pour moi, il fait des grandes choses. Il continue à m'enseigner lui-même. Il continue à me préparer, hein, à me révéler. Et même, je vous dis, pour cette guerre qui s'est passée dans ce pays, la Côte d'Ivoire, il m'a révélé. Depuis 1999, il m'a révélé cette guerre. Et il m'a mené jusqu'à Kong, vers le nord, pour être enseigné, voir la misère de ce peuple. Nous devons prier pour eux, pour qu'eux se donnent en Jésus-Christ de Nazareth. C'est un lieu mystique que Dieu m'a préparé et que j'ai vu la misère de nos frères. Donc, je bénis le Seigneur pour sa grâce qu'il a posée, sa main qu'il a posée sur ma vie. Et je bénis aussi le Seigneur pour la radio Fréquence Vie, qui donne la vie à travers cette mission. Fréquence Vie, vous savez que c'est une radio où la vie est communiquée. Amen. L'émission réservée au récit des bienfaits du Seigneur, et aujourd'hui nous recevons le missionnaire Brou Opakpa Clément. Nous croyons que cette fois-ci nous pourrons finir notre série avec lui, et monsieur, je dirais plutôt missionnaire Brou, à vous entendre, nous voyons là vraiment les merveilles de Dieu, hein? Du mal que cet homme comptait vous faire, le Seigneur a transformé ce mal en bien dans la prison. Et là, vous êtes vu là en train de prier pour des prisonniers, en train de leur communiquer la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout simplement merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Et je voudrais donner un conseil à nos frères, nos sœurs. Je dis bien, mesdames, messieurs, mesdemoiselles et les sœurs en Christ, si vous avez entendu et reçu ce témoignage que je vous ai rendu et ce verset que je vous ai lu plus haut, tout homme vivant sur la terre en qui Dieu a donné un souffle de vie et qui a pratiqué telle ou telle chose pour s'enrichir doit se repentir et se convertir en Jésus-Christ pour le servir avec toute leur fortune que lui, l'Éternel, sanctifiera. Toute créature qui a vendu son âme ou a pratiqué a donné son corps ou a pris le sang humain ou bien hypnotisé une personne afin qu'elle vomisse de l'argent chaque jour pour le but de s'enrichir, de se glorifier, cette personne doit donner sa vie à Jésus. Parce que c'est une pratique très dangereuse qui n'est pas de Christ. C'est Satan qui fait ce travail. Et il amène toute personne à la perdition. Parce que Satan, lui, il prend l'âme. C'est l'âme qui demande. L'esprit n'appartient pas à Satan. Le corps est déjà dans la terre. Alors, je demande à toute personne, frère et soeur, de se donner sincèrement comme il faut en Jésus-Christ pour recevoir le royaume des cieux. Car la Bible dit dans Apocalypse chapitre 22, versets 1 à 21, il ne faut pas louper le royaume des cieux, il faut vivre, il faut aller auprès du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car ce royaume nous appartient. Amen. L'émission s'achève dans quelques petites poignées de secondes. Aujourd'hui, nous recevions le missionnaire Bro Gbagba Clément. Nous avons donc fini, nous venons d'achever la série de témoignages avec lui. Nous croyons que l'essentiel de son message a été compris de vous, que c'est-il à l'homme de gagner tout l'univers s'il doit perdre son âme. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Que chacun fasse l'effort d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur afin de faire de lui son maître personnel. Ceux qui ont déjà fait ce pas, qu'ils marchent fidèlement avec Dieu. Laurent Boloto, microphone pour la présentation, technique et réalisation, assez fidèle. Que Dieu vous bénisse.